Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a un an disparaissait le grand coureur de fond Alain Mimoun. Franck Ferrand a eu envie de lui rendre hommage aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Alain Mimoun, de son vrai nom Ali Mimoun Oudr Kacha, était né en Algérie en 1921. Il nous a quittés l'année dernière, le 27 juin 2013, à l'âge de 92 ans. Il avait remporté le marathon aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956. Laurent Luya, qui l'a connu, est avec nous pour évoquer ce grand monsieur. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Denis sur les messages codés de la BBC. Oui, cela nous ramènera 70 ans en arrière. Pour le moment, place aux Jeux Olympiques de 56. Alain Mimoun est déjà prêt à s'élancer pour une course de 42 km 195. Vous aurez compris qu'il s'agit bien sûr du marathon. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En Australie, en 1956, à Melbourne, où ont lieu les Jeux Olympiques d'été. C'est la première fois qu'ils sont organisés dans l'hémisphère sud, ce qui explique la date hivernale de ces Jeux Olympiques, du 22 novembre au 8 décembre 1956. Alors approchons-nous d'un athlète français qui compte parmi les plus âgés de la délégation. Il a 35 ans. En 1947, il a été champion de France sur 5000 mètres. Il a eu la deuxième place aux 10000 mètres à Londres, aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Deux médailles d'argent, une pour le 5000, une pour le 10000 en 1952. Il a 35 ans et il s'appelle Alain Mimoun. Il est d'origine algérienne. Il est né à Tellac le 1er janvier 1921. Alors, en vérité, pour ces Jeux Olympiques, Mimoun caresse un projet, mais c'est un projet qu'il a gardé bien sagement pour lui, un projet secret. Il n'en a parlé à personne, et quand je dis à personne, même pas à sa famille. C'était quasiment un tabou pour lui. Avant de partir, il affirme à sa femme, Germaine, « Non, pas question de marathon. » Oh, en vérité, Germaine, elle n'est pas dupe. D'ailleurs, elle l'a raconté plus tard, je la cite, « Il s'entraînait 3 fois par jour, c'était sûrement pas pour le 10000 mètres, même s'il m'avait dit qu'il ne disputerait pas le marathon. » Alors, pendant des semaines, Mimoun s'est entraîné chez lui, là-bas, en Corrèze, le département d'origine de sa femme, à Bija. Il faut vous dire qu'il n'a jamais encore couru le marathon. Il n'a jamais dépassé les 20 km dans toute sa carrière. Là, juste avant de partir pour l'Australie, il a quand même, à Lyon, battu le record de France de l'heure sans préparation spéciale. Il a parcouru presque 20 km, 19 km 364 exactement, le 7 octobre 1956. Donc on est vraiment à quelques jours de son départ. La vérité, c'est qu'il n'était pas destiné à devenir un marathonien, Mimoun. Il n'était même pas destiné du tout à devenir un sportif. « Ma mère voulait faire de moi un instituteur », dit-il. « Dans cette perspective, à 11 ans, j'ai décroché le certificat d'études avec une mention bien. Un résultat fantastique pour un pauvre gosse qui crevait de faim. » Vous allez entendre sa voix dans un instant, mais rien qu'en lisant ces mots, là, on a l'impression qu'il est encore avec nous. « Mais quand nous avons demandé une bourse à l'académie pour que je puisse continuer mes études, c'est la seule qui a été refusée. » Une blessure, une parmi d'autres, au cœur de Mimoun, ça fait partie peut-être de ce qui lui a donné l'envie d'aller plus loin, de montrer qu'il était, de se dépasser. En 1946, continue-t-il, après ma démobilisation, nous sommes venus nous installer en France avec mes deux sœurs, dont Ranja, ma préférée, qui a toujours été là dans les moments difficiles de mon existence. À cette époque, tous les grands clubs d'athlétisme de la capitale commençaient à s'intéresser à moi grâce à mes performances sur 5000 mètres. Alors là, pour le moment, le voilà parti, on est en 56, le voilà parti pour l'Australie. À l'époque, on ne fait pas Paris-Melbourne comme ça d'une traite, vous imaginez bien. On est encore à l'époque des avions à hélice, et encore pour ceux qui prennent l'avion. Ce qui veut dire qu'il faut plusieurs escales à New York, à Los Angeles, à Honolulu, etc. Et à chaque fois, Mimoun en profite pour courir. À lui, il court partout, toujours. Où que ce soit, le long des couloirs d'un hôtel, sur la piste d'un ancien stade olympique, ou même sur le tarmac de l'aéroport. Les autres le regardent avec des grands yeux comme ça, mais lui il s'en moque, il court Mimoun et il a pour objectif de conserver cette forme extraordinaire qui est la sienne. Alors il arrive à Sydney dans un premier temps, on le transfère en autocar à Melbourne. Il est installé avec Michel Jazzy, qui est un athlète français de 20 ans, qui est complètement en admiration devant son colocataire. Il a une vie de militaire, Mimoun. Il s'entraîne. Oh, c'est pas très facile, hein, son entraînement. Le moins qu'on puisse dire, il se lève à 6 heures, il s'entraîne. Bon, le mieux, c'est de l'écouter lui-même. Il nous dit comment, à cette époque, il s'entraînait. C'était au micro de Philippe Alfonsi sur Europe 1 en 1980. Et je me suis entraîné, vous savez, en secret, comme je le faisais à ce moment-là. Et même, vous savez, que j'étais pas très avantagé, parce que je vous dis franchement, à ce moment-là, je mangeais même pas à ma faim. Quand on voit comment ils sont choyés, les champions modernes. Je m'entraînais deux fois par jour. Je m'entraînais, il fallait me lever à 6 heures du matin. Je m'entraînais de 6 à 11 heures, mais en secret. Vous savez, je n'allais pas faire voir à tout le monde. Hein, parce que moi, j'avais ça. Je me disais Melbourne, marathon, le marathon. J'étais subjugué par cette idée-là. Mimoun est en Australie. Lui, il sait que c'est pour courir le marathon, mais ça n'est pas ça officiellement. Il est là pour concourir dans le 10 000 mètres essentiellement. Mais il va pas faire d'étincelles dans ce 10 000 mètres. Il finit 12e, pour tout vous dire. Lui, ce qu'il motive, vous l'avez compris, c'est ce marathon. C'est évidemment un entraînement très particulier pour lui. Alors on le voit qui s'entraîne sur des distances de plus en plus longues. 35 km sur la route du parcours olympique. Vous savez, on indique pour les athlètes, on leur fait des traits tous les 10 yards. En l'occurrence, pour les repérer en quelque sorte. Eh bien, il va les connaître peu à peu, ces repères. Il fait partie en quelque sorte du paysage au bout d'un moment. Et puis, arrive la veille de l'événement, la veille de la course elle-même. Et là, il y a des signes, et notamment un signe incroyable. Le voilà papa, figurez-vous. C'est encore lui qui nous parle. La veille, je reçois un télégramme. Parce que figurez-vous que j'ai laissé ma femme enceinte à Tulle, la naissance de ma fille, Olympe. Le télégramme, c'était « Maman et enfant se portent bien ».« Enfant » au pluriel. J'ai cru que c'était des jumeaux. Et bien, j'ai camouflé le télégramme pour que les autres ne le voient pas, parce qu'ils m'auraient embêté, on va arroser ça, etc. Comme c'était la veillée d'armes, c'était le lendemain, le marathon, j'ai caché et j'ai passé la nuit. Vous savez, on ne dort pas. Et toute la nuit, j'ai pensé que j'avais deux jumeaux. C'est formidable. Et alors, l'après-midi, le numéro 13. Alors, c'est incroyable. La naissance de ma fille, le numéro 13, tout le mois là-bas, un temps exécrable, et ce jour-là, un temps le plus splendide que j'ai vu. Vous voyez, même en Algérie, je n'ai pas vu ça. Un temps fantastique, serein, une chaleur très chaude, mais sèche, vous voyez, très saine, n'est-ce pas? Alors moi, je me suis dit, ça c'est fantastique en ce qui me concerne, et puis je me sentais bien. Vangelis, avec l'extrait de la bande originale du film Chariot de feu à l'instant sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous racontez le parcours incroyable de l'athlète Alain Mimoun. Alain Mimoun n'a pas dormi de la nuit, vous l'avez bien compris, et pourtant il se lève plutôt en forme, frais comme un gardon, dit-il. C'était son expression, ça. On est le samedi 1er décembre 1956. N'oubliez pas la date, c'est la seule à retenir aujourd'hui, ça tombe bien, mais elle est importante. Il y a 46 athlètes au départ de ce marathon, 46 athlètes qui appartiennent à 23 pays différents, tout le long 300 000 spectateurs. Alors vous avez compris qu'il est gonflé à bloc, si vous me passez l'expression, notre coureur. Il a de bons signes, il est papa, on lui a donné le dossard numéro 13, enfin tout va bien et le voilà dans la course. Raymond Pointu raconte, parmi les 45 concurrents, il y a bien sûr son grand ami Zatopek, mais aussi les Russes Filin et Ivanov. Zatopek m'a dit avant la course de me méfier des Russes, je lui ai répondu « Arrête Émile, c'est toi le plus fort ». Émile Zatopek est un ami de longue date de Mimoun. Les deux hommes se connaissaient particulièrement bien, le Français ayant couru près de 10 ans dans l'ombre de ce géant tchécoslovaque. Leur destin avait commencé à s'entrecroiser en août 47 à l'occasion d'un match international organisé à Prague. Opéré d'une hernie quelques mois plus tôt, vieilli par l'entraînement cruel qu'il s'était imposé des années durant, nous dit Pointu, Zatopek avait pourtant quitté son piédestal de dieu du stade pour redescendre parmi les humains, tout à ce qui allait devenir la grande affaire de sa vie. Mimoun l'ignorait encore. Alors ça y est, le marathon est parti, le démarrage... D'ailleurs, il y a eu un faux départ à 15h, donc il a fallu redonner le départ. Un des 46 concurrents avait légèrement bougé. Il faut quand même 10 minutes aux concurrents pour retrouver la ligne de départ. Bien sûr, ça a créé une vraie pagaille, tout ça. Ce qui fait que le départ final, il est donné à 15h13. Mimoun cherche la tête de Zatopek, il se focalise en quelque sorte sur cette tête d'Émile Zatopek. Alors pendant les premiers hectomètres, la course se fait sous un parcours ombragé, et puis arrive le fameux soleil et cette chaleur dont il nous parlait tout à l'heure. Après, c'était de plus en plus l'enfer à mesure que le peloton s'éloignait du stade, dira un journaliste. Mimoun est obsédé par l'idée de faire partie du premier groupe, ce qui veut dire qu'il va laisser personne s'en aller. Dès qu'il y en a un qui commence à accélérer, allez hop, il le suit, il le colle, si j'ose dire. Au 5e kilomètre, on est à 16 minutes 30. Au 10e kilomètre, 33 30. Au 15e, alors là, il y a quand même pas mal d'attaques, bien entendu. Au 15e kilomètre, on peut dire que 13 hommes se sont détachés. Mimoun est dans le peloton de tête, mais Zatopek se décroche. Mimoun se sentait bien, sa place à l'arrivée, il n'y pensait plus. Jamais son corps n'avait aussi parfaitement répondu à sa volonté tendue, jamais sa foulée rasait le sol avec autant d'efficacité, dira Pointu. Le 20e kilomètre, il le passe en tête, s'il vous plaît, avec un tout petit groupe. À quoi pense-t-il pendant tout ce temps? Eh bien, il l'a raconté, figurez-vous, à Philippe Alfonsi. Vous savez, on ne s'ennuie pas. On voit tout, il y a des images qui passent partout. Je pense à tout. Je vous disais, je pensais à mon début de carrière. Je pensais à ma jeunesse quand j'étais tout petit. Je pensais le film de la guerre. J'étais 7 ans soldat. Je suis parti à 18 ans. J'ai fini à 25 ans avec des éclats à casino. Hein. Je pensais après, par la suite, quand j'ai connu ma femme, mon mariage. Un beau film qui se déroule, vous savez. Il va se passer à ce moment-là quelque chose de très beau, quelque chose qui fait partie de la légende du sport. L'Américain John Kelly, qui est le partenaire d'entraînement de Mimoun, accélère. Il tape dans le dos de Mimoun à son passage, signe que l'autre doit l'accompagner. Alors Mimoun accélère, le rejoint, et rapidement, Kelly ralentit et il laisse Mimoun passer en tête. Il s'est, si vous voulez, en quelque sorte sacrifié pour son copain. Il lui a servi de rampe de lancement, si je puis dire. Et cette fois, Alain Mimoun est en tête. Il lui reste un peu moins de 20 km à parcourir. Au départ, le fait comme ça d'être seul le fait un peu paniquer. Il se demande s'il doit attendre les autres. Non, il doit gagner. Il se dit, il sait qu'il doit gagner. Il le doit, il doit ça à sa famille. Alors il continue, les kilomètres défilent. Il se dessèche, il suffoque. Il ne boit pas. Et quand il récupère enfin de l'eau sous cette chaleur suffocante, il faut vous dire qu'il fait quand même quelque chose comme 36 degrés. Il se rend compte, c'est pour s'en asperger. Au 30e kilomètre, il attrape enfin une bouteille d'eau et c'est là qu'en fait, en ouvrant, il se rend compte que c'est de l'eau gazeuse. Il la recrache et rapidement, il se sent mal. Il est presque paralysé à travers sa gorge, réduite aux dimensions d'un chat d'aiguille, nous dit le journaliste. Il appela l'air avidement et n'absorba que les gaz d'échappement des motos qu'il précédait. Les bruits de la foule l'assourdissaient. Il eut la sensation que quelqu'un appuyait sauvagement ses pouces sur ses yeux et sa foulée. Comment pouvait-il raccourcir à ce point 20 cm? C'était tout ce qu'il devait parcourir chaque fois qu'il posait le pied sur la plaque chauffante de la route. Alors il croit passer sous le pont qui se trouve à 1 km du stade. En fait, il passe bien sous un pont, mais vous allez voir, c'est pas du tout le bon pont. Il va nous raconter ça lui-même dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et c'est l'histoire d'un grand athlète que vous nous racontez aujourd'hui, Franck Ferrand. Au 32e kilomètre, Alain Mimoun a tellement souffert et en même temps il se trouve dans une situation tellement paradoxale comme ça maintenant, faisant la course seul en tête, qu'il a l'impression qu'il est au bout. Et le pont qui arrive, il pense que c'est le pont de la fin. En fait, ça c'était un leurre, écoutez-le. Au 32e kilomètre, Ah, j'ai senti d'abord quelque chose qui n'allait pas, la mécanique qui avait presque craqué, vous voyez, mais je me disais, c'est pas possible. Et en effet, un peu plus loin, ça a été le coup de marteau, hein, le coup de masse, c'est inimaginable. Parce que et alors je me disais, en moi-même, parce que j'étais lucide, je dis, c'est pas possible, il me semblait faire des petites foulées de 20 cm, c'est pas possible. J'ai vu même des mirages, vous voyez, il y a un pont en dessous, qui était à 12 km et un autre qui était à 1 km. Eh bien, monsieur, j'ai pris celui qui était à 12 km pour celui qui était à 1 km. Je me voyais déjà champion olympique. Mais seulement, malheureusement, quand je suis passé et que j'ai vu une côte qui faisait 2 km, j'ai bien compris que ce n'était pas celui qui était à 1 km. Oh là là, oh, c'est fantastique. Et puis, surtout une côte qui était terrible. Eh bien, c'est là, monsieur, c'est là où on peut dire, hein, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est là où on peut dire le courage et la volonté. Eh bien, je m'insultais. Je criais en moi-même, je disais, salaud, je me disais, tu n'es pas arrivé jusque-là, c'est pas possible, avec tout le travail que tu as fait. Et je pensais à tout mon passé, à tout mon, à ma famille, je voyais ma femme devant moi, ma petite fille, ma mère. Je pensais à cette vieille femme qui, c'est fantastique, hein, parce que vous savez, on ne pense pas souvent à la mère, et c'est pourtant la mère qui est la principale là-dedans. Hein. Alain Mimoun au micro Europe 1 de Philippe Alfonsi, c'était en 1980. Alors, les kilomètres continuent de défiler. Elle est tellement belle, cette course, et elle est devenue légendaire, évidemment. Il supporte plus la chaleur, Mimoun. Il va enlever le mouchoir qu'il a sur la tête, un mouchoir brodé aux initiales de sa femme, qui devient, dit-il, aussi pesant qu'un casque. Alors, il le jette là et il observe une jeune fille, oh, il a juste le temps de l'apercevoir, bien entendu, qui va, une jeune fille blonde, une Australienne, qui va courir, ramasser le mouchoir, comme si c'était une espèce de relique, et qui le porte sur son cœur. Et ça lui donne à lui du baume au cœur, ça lui donne le courage de continuer, même s'il n'en peut plus. Allez, sa foulée se rallonge encore un peu, il regarde attentivement la route, il évite soigneusement les trous. Et cette fois, là, ça, cette fois, c'est plus un mirage, c'est plus un leurre. Il voit bien le stade qui apparaît à l'horizon. Il reste encore 5 km à parcourir. Et là, la foule est de plus en plus nombreuse. Vous imaginez bien, évidemment, plus on approchera du stade et plus les gens sont là, qui lui disent « Very good, very good. Come on, Frenchman, come on !» Et donc, il avance encore. Il va entrer dans le stade à 17h37 exactement. Il se retourne, il voit personne derrière lui, il est là tout seul. 120 000 spectateurs l'applaudissent, l'acclament debout. On est 2h25 après le coup d'envoi. Il a gagné, il n'en revient pas, il est devenu champion olympique. Alors, évidemment, à peine arrivé, il s'intéresse à ses poursuivants. Plutôt que d'exploser de joie, ça c'est bien lui, ça. Il demande au commissaire de course où en sont les concurrents. Et il est persuadé que Zatopek est là, qui va arriver au coin du stade, qu'il est juste derrière lui. Eh bien non, en fait, c'est Mihalik qui arrive, suivi par Karvonen, puis encore deux autres coureurs. Et Zatopek lui-même n'arrive qu'en sixième position. Il s'effondre, il reste agenouillé. Jusqu'à une discussion entre les deux hommes. Il faudrait évidemment avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu ensemble, ces deux-là, et toute cette espèce de fraternité dans la concurrence en même temps, qui jusqu'alors les a portés dans des carrières assez parallèles d'une certaine manière. « Tu ne me félicites pas, Émile, je suis champion olympique, c'est moi qui ai gagné le marathon. » Zatopek se met au garde à vous et lui dit « Alain, je suis heureux pour toi. » Et c'est l'accolade. Et au moment où la Marseillaise retentit, Mimoun est ému aux larmes, il est fier. Mimoun repensa au petit Algérien rabroué 8 ans plus tôt, nous dit un journaliste, au jeu de Londres par un masseur lui objectant avec mépris. « Je m'excuse, mais je ne peux pas m'occuper de toi. Ici, je suis envoyé pour les champions. » Il a perdu 4 kilos durant la course. Il est complètement déshydraté en rentrant avec le médecin de l'équipe de France. Alors on peut dire qu'il tombe raide dans la chambre. Il y a une grande fête pour sa victoire, évidemment, toute la nuit jusqu'au lendemain. Et puis il va y avoir, vous imaginez, arriver à Paris, la marée humaine qui est là. Évidemment, en tout cas, c'est ce qu'il attendait, Mimoun. Et pourtant, quand on ouvrit la porte de l'avion à Orly, dit Raymond Pointu, elle était là, houleuse, fraternelle, heureuse de lui témoigner son affection. Cette foule, désormais sa victoire olympique, faisait partie du patrimoine français, au même titre que la barbe fleurie de Charlemagne, le vaccin de Pasteur ou le canotier de Maurice Chevalier. Bonjour Laurent Luya. Bonjour. Merci Franck. Merci d'être avec nous. Alors on va parler avec vous avec de plaisir. Mimoun, bien entendu, que vous avez connu. Mais on Très va bien. Parler de tous les autres parce que, évidemment, vous avez dans ce numéro 2, dans ce deuxième tome des coups du sport, raconté un certain nombre de moments d'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, au cœur de l'histoire, c'est le sport qui est à l'honneur. Franck Ferrand avec votre invité Laurent Luyat, présentateur des grands événements sportifs sur France Télévisions, auteur des Coups du sport 2 avec Guillaume Botton chez Ramsay, paru en avril dernier. Alain Mimoun racontait son exploit, on l'a tous vu un jour ou l'autre sur une chaîne de télévision, entendu sur une station de radio, racontait évidemment ce qui avait fait de lui cet être exceptionnel. « J'ai d'abord été un pistard, disait-il, ce n'est qu'à Melbourne que mes pas de marathonien ont résonné pour la première fois sur le bitume australien chauffé à blanc. Mais il ne faut pas croire que j'ai gagné un marathon olympique comme ça. Je m'étais entraîné pendant 2 ans en cachette sur le plateau de Mille Vaches au pays de ma femme, 40 kilomètres par jour en 3 séances. Et puis à l'âge qu'il avait, évidemment, parce qu'à 35 ans, généralement, on ne gagne plus de marathon, Laurent Luyat. Hein, oui, puis c'est vrai. Puis vous avez parlé de son enfant, effectivement, de ses jumeaux. Il croyait que, c'était des jumeaux. Ça, c'est quand même fabuleux. Et surtout, à l'époque, il vivait dans un bouge. Hein. Franchement, c'était un tout petit studio de rien du tout. Les toilettes et le WC étaient sur le palier. Et il se disait en courant, mais avec 2 enfants, plus ma femme, comment je vais faire pour les nourrir, quoi. Donc ça a décuplé encore ses forces, hein, si je puis dire. Ouais, c'est quelqu'un qui avait vraiment mené une existence assez pure, assez saine. Vous l'avez connu, vous. Ça, c'est extraordinaire. Oui, j'ai eu la chance, effectivement, avec mon collègue de France 2, Nicolas Vinoy. En fait, on avait fait, pour les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, on avait eu l'idée d'enregistrer des petites séquences avec lui qu'on appelait le Mimoun Show. Alors, on l'avait fait avant de partir en Australie. Il était bon client, hein. Ah, ça, c'est sûr, hein. Et comme ça, on passait ces petites séquences chaque journée d'athlétisme à Sydney. Et bon, avec sa verve. Alors bon, il y avait tous ceux qui l'aimaient pas. Ouais, ça, c'est un sale type. Je l'aime pas, celui-là. Et puis, celui-là, il se dope, etc. Bon, après, il parlait des décathloniens. Alors, ça, c'est des gens extraordinaires, des décathloniens, des colosses, vous rendez compte, d'e-sport. Il ne se payait pas de mots, si je puis dire. Hein. Il c'est avait ça. Des avis tranchés, il savait manichéen. Juger les gens. Un peu manichéen, il faut bien c'était dire. C'était soit noir, soit blanc. En fait, soit il adorait les gens, soit il les détestait. Et puis, ce jeune Algérien qui avait fait la guerre, faut pas l'oublier, bien que tout jeune, hein, évidemment. Pour être français, hein, pour en être fait. Français, il avait l'amour de la France, on exact. Peut dire. Il s'est dit, le seul moyen pour moi de devenir français, c'est de partir dans l'armée, donc à la guerre. Donc c'est pour ça qu'il s'est battu, effectivement, il a été gravement blessé. Hein. Il a fallu que ce soit un médecin qui le soigne, qui lui sauve la vie, hein, en Italie. Et voilà, c'était sa plus grande fierté. La France aura été, vous a-t-il dit, à vous, dans une émission sur France 2, justement, la France aura été, depuis ma jeunesse, l'amour le plus permanent et le plus ardent de ma vie. J'aimerais, avant de disparaître, la retrouver dans sa grandeur, sa noblesse et sa splendeur. J'ai envie de dire, point de suspension. Ouais. Nous laisserons à Mimoun ses espoirs, malheureusement pas réalisés, sans doute. Lorsqu'il est mort, le président de la République, François Hollande, a salué, je cite, « ce combattant de la France libre, magnifique français, qui a marqué profondément l'histoire du sport, qui a aimé et servi la France. » Les deux aspects, hein, toujours chez lui. Ouais, et ce qui est marrant, c'est quand on arrivait chez lui à Champigny-sur-Marne, dans son pavillon, en fait, déjà à l'entrée, il y avait un drapeau français. Déjà. Porte d'entrée. Et c'est vrai qu'on avait été reçus, mais vous pouvez pas vous imaginer. Hein. C'était, moi, j'avais, au bout du troisième plat, j'avais défait ma ceinture, parce que c'était, bon, avec toute la générosité des Méditerranéens. Et puis, vous avez parlé de sa femme, Germaine. Ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'il y a deux personnes devant lesquelles il était au garde-à-vous. Corrézienne. Voilà. C'était sa femme et le général de Gaulle qui lui avait dit, Mimoun, on a un point commun tous les deux, c'est que nous durons. Et ça, alors, le général, alors je vous explique même pas. Ah oui, quand il disait le général, il avait une admiration pour de Gaulle. Et en même temps, lui était quand même, comment est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'il avait en même temps tellement cette humilité, cette gentillesse, mais il était assez égocentrique quand même. Complètement. Hein. Ouais. Mais attachant en même temps. C'est vrai qu'il parlait que de lui. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre, il dit, mon successeur, son arrière-petit-fils n'est pas encore né. Enfin, il avait une expression comme ça. Mais il le disait avec tellement de tendresse. Mais c'est vrai que vous avez passé un extrait aussi où il parle de la génération d'aujourd'hui et il comprenait pas, en fait. Il était en décalage mais alors, complet. Qu'il comprenait pas. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que pour une fois qu'une histoire, certes récente, mais historique néanmoins, permet d'éclairer le présent. Qu'est-ce qui le dépassait dans... Parce que pour lui, les sportifs d'aujourd'hui sont un peu des nantis. C'est-à-dire que lui... Ils sont trop chouchoutés, en voilà. fait, c'est ça. Mais lui, il remportait des championnats de France. Il battait des records, il touchait quoi ? Une motte de beurre, un jambon ? Non mais à l'époque c'était ça. Aujourd'hui, le moindre titre, je veux dire, un joueur de foot par exemple, il est assuré d'être tranquille toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il gagne des sommes folles, les joueurs d'aujourd'hui, et ça, il n'arrivait pas à le comprendre en fait. Vous l'avez évidemment mis en bonne place dans ses coups du sport. Mm-hmm. Pour vous, c'est quoi? C'est un exploit de quel ordre, ce marathon de 1956 à Sydney sous ce soleil implacable? Ouais, c'est un exploit invraisemblable parce qu'effectivement, c'était 36, 37, 38 degrés, une chaleur incroyable, 42 kilomètres quand on y pense quand même. Vous l'avez dit, il était en plus assez âgé quand même et c'était l'aboutissement de sa vie. En plus de ça, pour lui, c'était le destin qui était écrit, parce qu'il était très croyant, c'était un musulman converti catholique, et un ami à lui l'avait emmené devant les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, et là, il a eu une révélation. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé, mais tremblant, vraiment, et il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là, c'était avant le marathon. Hein. Il s'est dit peut-être, en présence de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il s'est peut-être dit « je suis l'élu », non? Il y a un peu c'est de ça. C'est un petit peu ça. Oui, je suis l'élu de Dieu. Oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, il disait toujours « je suis béni de Dieu ». Ah oui, voilà, hein, quand ouais. même. Il y a bien cette dimension un peu... mystique. Mystique du personnage. Ouais, exactement. Alain Mimoun, donc, nous a quitté il y a un an. Est-ce qu'aujourd'hui, alors j'ai peur de votre réponse, mais bon, je vous la pose quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sportifs pensent encore à un homme comme Mimoun? Est-ce qu'ils le connaissent, au moins, nos marathoniens d'aujourd'hui? Les jeunes, je ne suis pas sûr. Il y a une génération, des gens comme Stéphane Diagana ou Jean Galfione, voilà, cette génération-là, des années 90, début 2000, oui, le connaissent bien, et ceux d'aujourd'hui, j'ai un peu peur qu'il l'ait un petit peu oublié. Mais je pense que l'histoire le retiendra quand même, hein, Franck. Hein. Franchement, je pense que c'est un tel personnage, j'espère en tout cas. Finalement, son côté bon client dans les médias l'aura peut-être servi, puisque c'est ce qui nous permet, on l'a entendu là quatre fois rien qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on le ressort constamment, parce qu'en même temps, il est inoubliable d'une certaine manière. Son exploit est très important, je pense que tout le monde l'a compris, mais la notoriété qu'elle lui a apportée a été, à mon avis, même sans commune mesure. Hein, puis il n'y a plus un Français qui a gagné le marathon aux Jeux Olympiques. Aussi, hein. Alors c'est vrai que ses propos étaient un peu, on va dire, un peu surannés, c'était un peu d'une autre époque, mais en même temps, c'était des valeurs très fortes, des valeurs humaines très fortes. Coup de chapeau, coup de folie, coup dur, coup de génie, coup de théâtre, coup tordu. On pourrait presque mettre ça comme, d'ailleurs on pourrait l'inscrire là sur le fronton du studio, parce que c'est ce que nous aimons dans cette émission justement. Et alors, je vais vous faire un aveu, tiens, aujourd'hui, parce que les gens croient, moi c'est vrai que je suis pas sportif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, un petit peu quand même. No sport, comme disait Churchill. Mais c'est vrai que je ne sais pas d'où ça vient ça, mais moi je suis très bon client pour le sport à la télé. Et presque à chaque fois, alors là, il y en a qui vont rigoler, mais presque à chaque fois que je vois un beau reportage, un moment fort, etc., ça me tire des larmes, pour tout vous dire. Je suis complètement bouleversé, complètement ému par ça. Comme si, dans ces grands moments du sport, il y avait la cristallisation de quelque chose. Une émotion. Voilà. Ouais, exactement. C'est la beauté du sport. Et souvent, et c'est un peu le but du livre, il se passe des choses qui n'étaient pas prévues, en fait. Et c'est là où ça devient, parce que ça fait souvent basculer le destin de ces champions. Ça change toute leur vie. J'ai reçu là, dernièrement à Roland-Garros, Michael Chang, qui avait fait le service à la cuillère. Vous vous rendez compte, ça fait 25 ans contre Lendl. Incroyable. Mais on ne lui parle que de ça, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il symbolise ce moment-là. Ah, on a l'impression que ces sportifs, qui d'ailleurs sont parfois l'objet de statues en bronze ou en marbre, on a l'impression qu'au moment où ils accomplissent le geste, ben, ils sont comme ça figés pour l'éternité. Hein. Et les gens s'en souviennent. Comme c'était le cas d'ailleurs des athlètes de l'Antiquité aux Jeux Olympiques grecs, hein, déjà. C'est vrai. Il y avait ça, hein. Et ces moments d'émotion dont vous parlez, les gens s'en souviennent. C'est un peu comme les gens se souviennent de ce qu'ils faisaient le jour de la mort de Claude François ou de Michael Jackson. Ils se souviennent aussi vraiment de ce moment qu'ils ont vécu, moment sportif très très fort. Ça peut être l'agression de Schumacher sur Batiston, ça peut être des moments joyeux ou tristes. Alors vous retenez des moments, bien entendu, mais ces moments, ils s'inscrivent dans une destinée, dans un parcours, évidemment. Toute destinée est une suite d'accidents à retardement avec le coup de grâce au bout, a écrit Henri Fauconnier. Vous en avez fait l'exergue d'un des chapitres, celui sur les coups durs. C'est vrai qu'on a l'impression de quelque chose de tragique, finalement, dans certaines destinées sportives. Hein. Il y en a certaines. Par exemple, il y a les rugbymen cannibale, c'est le titre d'un des chapitres qui est le plus terrible de tous, cette histoire qui, je pense, vous a ému aussi, hein, quand même, ce crash d'avion des jeunes Uruguayens qui allaient au Chili et qui se sont crashés à 3600 mètres d'altitude. Il faisait moins 35 degrés. Alors là, c'est l'inverse du marathon de Mimoun. Il y a déjà eu des morts et donc les survivants ont dû manger les victimes pour survivre. C'est-à-dire, c'était le seul moyen. Je crois que c'est une des toutes premières histoires de Pierre Bellemare que j'ai entendu ça et ça m'avait. J'étais tout gamin, mais je peux vous dire que c'est. Ça, parce oui. qu'elle est réelle. En plus, celle-là, celles de Pierre Bellemare sont peut-être pas toutes réelles, mais. Alors pour rester dans les coureurs et puis après on va passer à d'autres types de sportifs, bien entendu. Il faut que vous nous parliez. On a entendu d'ailleurs tout à l'heure quelques notes des Chariots de Feu, le film. Ça nous évoque la destinée d'Eric Liddell, ça. Fantastique, hein, Eric Liddell, 1924, effectivement. C'est un fils de missionnaire qui est né en Chine, qui est un Écossais, en fait. À l'âge de 5 ans, il est retourné dans son pays. Et tout de suite, il a été pris d'une ferveur catholique extraordinaire. Et puis, il était très doué pour le sport. Il a fait du rugby, il a participé au tournoi des 5 nations à l'époque, en 1922-1923. Et puis, doué pour l'athlétisme. Et il est qualifié pour le 100 mètres aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Et là, il apprend que le 100 mètres va se courir un dimanche. Et pour lui, c'est impensable. C'est le jour du Seigneur, c'est un jour de recueillement, il faut aller à la messe. Alors évidemment, il a des pressions incroyables, hein, même les hautes autorités écossaises, je vous imaginez même pas son entraîneur, qui essaye de le convaincre. Il ne veut pas. Alors en plus, il se fait traîner dans la boue, on le traite de tous les noms d'oiseaux. En plus, il avait une façon de courir qui n'était pas du tout académique. Il relevait la tête en arrière et il bougeait les mains comme ça d'avant. Donc, c'était pas très beau. Et finalement, il s'aligne sur le 200 et le 400 mètres. Le 400 mètres qui est pas du tout sa spécialité, parce que c'était un sprinter. Et à l'époque, c'était considéré comme une course un peu de demi-fond où il faut gérer tout le long. Et finalement, il devient champion olympique du 400 mètres contre toute attente. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il abandonne la gloire et la célébrité pour retourner en Chine, redevenir missionnaire, aider les pauvres. Il va dans les villages, voilà. Et puis, pour vous la faire courte quand même, finalement, il est prisonnier dans un camp. Voilà, il est interné et il meurt. Il a des migraines horribles. Il a une tumeur au cerveau. Voilà, dans le camp d'internement, il aide quand même les personnes âgées. Il enseigne les maths. Il joue au foot avec les gamins. Et ce qu'on a appris, c'est une vie de saint, là, on peut dire. Une vie de saint. Et ce qu'on a appris, c'est quand même fabuleux. C'est là où le sport, enfin, l'histoire ne s'arrête jamais, en fait. 2008, Jeux Olympiques de Pékin, donc en Chine. Et là, on apprend, ce sont les autorités chinoises qui le révèlent, que Winston Churchill, puisqu'on est en 41, hein, c'est le Japon entre en guerre, voilà. Donc, Churchill avait proposé aux Chinois de faire un échange de prisonniers. Donc d'échanger Eric Liddell avec un Chinois, et Eric Liddell a refusé, laissant sa place à une femme enceinte. C'est quand même incroyable. Hein. Jusqu'au bout, ouais. On a envie de dire. Quel dépassement de soi et quel oubli de soi même dans son cas. Oui. Les coups du sport, deuxième tome, on va parler dans un instant de Johnny Westmuller, de Marcel Cerdan, enfin de tous ces grands hommes, de tous ces grands sportifs. Et Eric Liddell a inspiré donc les Chariots de Feu, le fameux film avec la musique de Vangelis. Bah, formidable, qu'on a entendu tout à l'heure. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, on parle sport au cœur de l'histoire avec votre invité, Franck Ferrand, Laurent Luya, qui est en ce moment tous les jours à l'antenne 1h-5 sur France 3 pour l'émission Village Départ sur le Tour de France jusqu'au 27 juillet. Et demain, il sera au Touquet. Laurent Luya, il y a dans votre ouvrage ce très bel album que vous faites paraître avec Guillaume Botton, Les coups du sport, c'est le deuxième tome, oui. Avec tous ces coups de génie, ces coups de folie et ces coups durs du sport, bien entendu, chez Ramsay. Il y a un personnage qui, à lui tout seul, aurait largement justifié un livre entier. On le connaît tous, évidemment, parce qu'il a... Alors, je dis on connaît tous, ça dépend de l'âge qu'on a, encore une fois. Mais il a bercé l'enfance des gens qui ont mon âge. C'est Johnny Westmuller, bien entendu, c'est Tarzan. Exactement, Tarzan, Johnny Westmuller, qui a une histoire aussi absolument fantastique, parce qu'il est né dans l'ancienne Roumanie, en Autriche-Hongrie. C'est un apatride, en fait, donc aux États-Unis. Il atterrit à Chicago. Et en fait, il contracte la polio à l'âge de 9 ans et donc son médecin... C'est quand même incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et son médecin lui dit, pour t'en sortir, il faut que tu fasses de la natation. Et il s'avère qu'il a des qualités incroyables pour ce sport. Et donc, il progresse. Il y a un entraîneur qui s'intéresse à lui. Et il peut être qualifié pour les Jeux Olympiques de 1924 à Paris, sauf qu'il n'a pas la nationalité américaine. Donc, il trafique les papiers. Il prend le passeport de son frère, qui lui est né aux États-Unis. Donc, il falsifie ses propres papiers et se qualifie pour les Jeux Olympiques. Et là, il gagne tout. Il gagne Tout. Et donc après... Je pense qu'on n'a pas eu de mal à régulariser sa situation du point de vue de la nationalité. Exactement. Hein, quand on gagne tout, généralement. Voilà. Et d'ailleurs, en 1928, 4 ans plus tard, il est porte-drapeau de la délégation américaine. Vous imaginez. Mais alors, bon, à l'époque, le problème, c'est qu'il n'y a pas la télévision. Il se balade dans la rue, personne ne le reconnaît. C'est pas une star, quoi, en fait. Hein. Et donc, alors, il fait des petits boulots. Il arrête sa carrière assez tôt, à 25 c'est quand ans. Même, c'est quand même un nageur de tout premier ordre. Hein. Oui. 28 records du monde, 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est un peu le Michael Phelps de l'époque. Exactement, hein. Exactement. Et en plus, il y avait 6 disciplines à l'époque aux Jeux Olympiques en natation. Aujourd'hui, il y en a 17. Hein. Vous imaginez, hein, donc, parce qu'il en aurait gagné d'autres. Et alors après, il arrête sa carrière et il fait des petits boulots de rien du tout. Dans le mannequinat, dans les hôtels, etc. Il fait des pubs. Et finalement, il y a un producteur d'Hollywood qui va lancer Tarzan, qui le repère parce qu'il a une carrure. Et puis en plus, c'est un nageur. Et pour jouer Tarzan, en fait, il fallait pas un acteur qui soit très à l'aise pour parler parce qu'il y avait très peu de texte et moi Tarzan vient avec moi dans la voilà exactement et qui savait nager et ça devient le Tarzan le plus célèbre d'Hollywood. Alors après le problème c'est que ça se termine mal hein. Mais c'est ça oui, c'est, décidément ça fait partie de ces destins un peu sombres en oui, fait hein. Il se marie 5 fois, c'est 5 échecs. Ça c'est Hollywood ça. C'est Hollywood voilà. Mais bon le problème c'est que ses ex-épouses lui tordent le cou, il est complètement ruiné, il est obligé de vendre sa villa Beverly Hills, ses Rolls, son yacht, et il termine complètement sénile dans un asile. Il était quand même un bien dérangé, le pauvre. Ah bah il avait des crises de démence, donc il sortait et puis il se frappait la poitrine en faisant le cri de Tarzan. Qui d'ailleurs, vous savez que c'est pas son cri à lui hein, qu'on entend dans les Tarzan, c'est un mélange de barrissements d'éléphants, de sirènes de pompiers. Oui, ça a été trafiqué comme quoi à l'époque. Hein, on était dans les années 50, 40, 50, on savait déjà trafiquer un peu. Oui, bon, on était dans le cinéma. Quoi, tout voilà, c'est ça. Alors, j'ai promis tout à l'heure qu'on dirait un mot seulement de Marcel Cerdan, mais ça fait partie ça des grands. Alors là, on est dans la très grande romance. On connaît évidemment avec l'histoire d'Edith Marcel, ouais. Bien sûr. Il n'y a pas que ça d'ailleurs dans la vie de Marcel Cerdan, ce qu'il faudrait peut-être pas oublier. C'est un grand champion quand même. C'est un grand champion. Mais c'est vrai qu'Edith Piaf, elle lui disait. Ce qui était bien, c'est qu'en fait, l'un n'attendait rien de l'autre. Lui, il voulait pas être chanteur. Elle voulait pas être dans la boxe. Donc, et elle lui disait, mais tentez pas le petit Marocain ici quand il venait à New York. Qui lui disait tu es le grand Marcel Cerdan, parce que lui il n'avait pas spécialement confiance en lui. Mais c'est vrai que le destin est absolument tragique parce qu'il doit la rejoindre à New York. Alors il prend l'avion pour aller plus vite plutôt que le bateau, et là il arrive à Orly, l'avion est complet, et un jeune couple en voyage de noces qui le reconnaît, c'était leur idole. Ils lui cèdent leurs 2 billets d'avion et l'avion se crache. Quand on parle de destin, c'est fort hein, toutes ces histoires. C'est incroyable. Et Edith Piaf, donc, qui est à New York, qui l'attend, donc apprend la nouvelle. Son manager arrive à chanter le soir hein, à New York. Son manager veut pas qu'elle chante. Finalement, elle refuse. Et là, elle entre sur scène. Elle fait immédiatement taire tous les applaudissements. Et elle dit cette soirée, ce spectacle est évidemment dédié à Marcel Cerdan. Et on commence par la chanson que je lui ai écrite. L'hymne à l'amour. Vous imaginez l'émotion dans la salle. Elle chante l'hymne à l'amour. Elle arrive à tenir le coup encore quelques chansons. Et là, elle se drape dans le rideau rouge et elle s'évanouit. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Demain, que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, que ma barbe, les problèmes, mon amour, puisque tu me L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, un moment là encore extraordinaire. Ouais. C'est un livre d'émotions que vous avez écrit, beaucoup. C'est ça. Ce sont des émotions, des grands moments. C'est très humain, c'est très fort. Alors, c'est ce que j'aime dans le sport. Il y a des histoires complètement invraisemblables. Il y en a une que nous avait racontée Marc Menant ici même. C'est l'histoire d'Erika Schneider. Ah oui. Racontez-nous ça. Ah, fantastique. Erika Schneider, c'est une Autrichienne. qui naît dans un petit village d'Autriche. Et en fait, le problème, c'est que ses testicules ne sont pas tombés, sont restés dans son bas-ventre. Bon, alors la sage-femme qui accouche sa maman remarque rien. Et donc, elle grandit enfin, comme une petite elle, fille. Mais c'est donc un garçon, mais qui n'a pas de... Voilà. Voilà, on croit que c'est une fille, bon, en fait. Voilà. Et elle est élevée comme une fille. Donc, elle grandit. Alors, arrive l'âge de 13-14 ans. Donc, elle se rend compte que sa poitrine ne pousse pas, qu'elle n'a pas ses règles. Elle est attirée par les autres filles, etc. Donc, elle est hyper mal dans sa peau. Elle choisit le ski, notamment, parce qu'il y a des grosses combinaisons. Ça cache un peu ses formes, un peu masculines, etc. Et elle commence à tout gagner et à devenir championne du monde en 1966 au Chili, devant Marielle Guachel, qui est la grande championne française de l'époque. Et alors, le coup de théâtre invraisemblable, c'est que l'année suivante, en 1967, on est à un an des Jeux Olympiques de Grenoble, et le Comité International Olympique, pour éviter les tricheries, oblige à toutes les athlètes de passer des tests de féminité. Voilà, c'est des tests, c'est la salive qui est analysée pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Et là, on se rend compte qu'en fait, Erika Schinegger a un chromosome Y, que c'est un homme. C'est pas Erika, c'est Eric en fait. C'est Eric en fait. Et il l'apprend en faisant ses tests. Donc là, lui décide de se faire opérer contre l'avis de la Fédération autrichienne de ski, qui à l'époque n'a qu'elle, si je puis dire, comme championne dans un pays de ski. C'est un peu dur hein, quand même, toutes ces institutions sportives là. Il y a oui, quand même un surtout côté. Surtout à l'époque, ouais. Je pense. Aujourd'hui, ça serait, à mon avis, avec tous les médias, etc., avec Internet et tout, je pense pas qu'il pourrait agir comme ça. Mais bon, en plus, c'est 6 mois d'opération, galère, parce qu'à l'époque, on n'opérait pas facilement. Et finalement, ça se passe bien. Il y a que sa mère qui le soutient hein, et qui vient le voir à la clinique. Quand il rentre dans son village, c'est absolument terrible. Son père lui tend la main, lui dit salut, refuse de l'appeler par son prénom, Eric, etc. Mais finalement, et il ne regrettera pas, il va avoir une petite fille. Mais c'était vraiment un homme, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et 20 ans plus tard, c'est ça qui est fabuleux, à la télévision autrichienne, il rend la médaille d'or à Marielle Guachel en lui disant, voilà, j'étais un homme. D'ailleurs, à l'époque, Marielle Guachel et ses copines l'appelaient Antoine, parce qu'il ressemblait un peu au chanteur Antoine, le charriait un peu. Et devant les caméras, il y avait Marielle et Eric. Ensemble, voilà. Et dans quelle année ça, donc? Ça, c'était en 88, en fait. Ouais. Plus de 20 ans plus tard. Hein. Extraordinaire. Ouais. Alors, on a commencé par un personnage que vous avez connu, Alain Mimoun. On va évoquer une figure que nous n'avons pas oubliée ici, bien entendu, Europe 1, et que vous avez connue aussi, c'est Laurent Fignon. Oui, exactement. On est en plein Tour de France, ça tombe voilà, bien. Voilà, qui nous a quittés il y a 4 ans maintenant. Laurent Fignon, alors là, je parle de ses 8 secondes. Bon, ça, c'est plutôt, ça fait partie du sport. Hein. C'était terrible pour lui. Il perd le Tour de France, alors que c'était vraiment un objectif parce qu'il serait entré dans le cercle très fermé de ceux qui ont gagné 3 Tours de France et il perd, pour vous rendez compte, 8 secondes. Je crois qu'il y avait 3250 kilomètres et ça fait un écart entre Greg LeMond qui a gagné et lui de 140 mètres sur 3250. C'est quand même un truc de fou. Et ce qui est dingue, c'est que Greg LeMond avait testé en fait un guidon de triathlète et un casque aérodynamique. Alors le guidon était totalement interdit, mais les commissaires de course avaient fermé les yeux parce que c'était Greg LeMond, etc. Laurent, lui, avait refusé de faire la même chose et ça a tout changé, hein, parce que sans ça, il aurait certainement gagné. C'est... Voilà quoi. Mais bon, ça a été pour lui une déchirure terrible, la perte de ce Tour de France. D'ailleurs, il y a plein de gens qui lui disaient « Ah, Laurent Fignon, les 8 secondes, c'est toi qui as perdu le Tour pour 8 secondes. » Et à chaque fois, il répondait « Non, je suis le gars qui a gagné 2 Tours de France. » Eh oui, ça change tout. Ouais. Le Tour de France, on le retrouve avec vous pendant toute la durée, évidemment, de cette extraordinaire épopée à 12h55, à 1h05. Voilà, tous les jours sur France 3 pour l'émission Village Départ. Et demain, le Tour est au Touquet. Voilà. Donc, on sera avec Tal, on sera avec Yves Lecoq, avec Coé, tous les jours des artistes. Je suis avec Fabien Lecoeuvre, avec Karine Tessandier. On parle de cuisine, de gastronomie locale, des produits de la région et puis des plus beaux sites de chaque ville. Merci beaucoup Laurent Luyal. Merci Franck. Les coups du sport, le deuxième, les coups comme un coup de poing, les coups du sport ou comme un coup de folie ou comme un coup de théâtre. Coup de les coups aussi. Du sport, un coup de cœur. C'est le deuxième tome, c'est chez Ramsay, c'est avec Guillaume Botton. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Denis via le site internet de l'émission. Bonjour Franck, pourriez-vous revenir sur l'annonce du débarquement en juin 1944 et plus particulièrement sur la première strophe du poème de Verlaine ? Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ça, c'est le début du poème de Verlaine, bien entendu, et c'est pas tout à fait ce qu'on a entendu sur l'antenne de la BBC. Alors, on est évidemment à Radio Londres, hein. Les Français parlent aux Français. Dans un premier temps, il s'agissait surtout de messages personnels qui avaient été diffusés et qui permettaient aux soldats séparés de leur famille et de leurs proches d'échanger des nouvelles. Mais la BBC a aussi et de plus en plus eu recours aux messages codés, des messages codés qui permettaient de communiquer une information secrète, d'accuser réception d'envoi, d'annoncer des envois, de transmettre des mots d'ordre, de tromper l'ennemi, etc., etc. Avec parfois des traductions complexes. Hein. Frédéric était roi de Prusse, nous disons quatre fois. Ça voulait dire parachutage, quatre avions. Gabriel vous envoie ses amitiés, ça c'était un parachutage à réceptionner. Il fait chaud à Suez pour le lancement du plan vert à Paris, etc., etc. L'idée d'utiliser les messages personnels pour transmettre des messages codés, cette idée, elle est due à Georges Béguet, qui était un officier du renseignement français, premier agent du SOE parachuté en France en mai 41. Alors, il y a eu des messages très connus, évidemment, dont celui du 4 juin 1944, « Les sanglots longs des violons de l'automne ». En fait, donc, ce poème, un des poèmes saturniens de Paul Verlaine, c'est la chanson d'automne, annoncée à 21h heure anglaise et qui donnait aux résistants l'ordre de sabotage généralisé des installations ferroviaires qui, à l'époque, n'avaient pas encore été détruites. Destruction aussi, ordre de destruction des installations téléphoniques. Les journalistes se sont arrêtés au mot « automne » qui désignait, qui voulait dire « ils arrivent bientôt ». Alors, en vérité, le message diffusé sur la BBC dit que les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout chancelant et blême quand sonne l'heure. C'est pas ce que dit Verlaine. Verlaine a écrit « blesse mon cœur » et « tout suffocant et blême ». Les paroles qu'on a pu entendre sur la BBC à l'époque, c'était les paroles du poème de Verlaine, mais revues et corrigées par Charles Trenet dans sa célèbre chanson. Et c'était donc plutôt Trenet qu'on citait plutôt que Verlaine.